Ce qui est bien dans le Béziers, c'est que ça sent pas trop la merde. Non, attends, écoute, quand même, j'ai l'impression qu'il y avait. Ouais, il y a un essaim. Ah ben voilà, hier quand je suis passée, je l'entendais déjà. Si, ça. Je sais pas, mais tu vois pas, il y en a plein des. Ils sont fait habiter. En fait, quand c'est abeilleux comme ça, il y en a plein. À mon avis, c'est peut-être en dessous du truc. Ouais. Putain, on va se prendre la flotte. Oui, en fait, je l'ai vu. La part vers là. Et ils font quoi là-dedans? Ben, ils niquent. Ah. Elles font des gosses.